Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Du baptême et de la confirmation. Explication. Le baptême sera considéré dans sa nature, dans les ministres qui le confèrent, dans les sujets qui le reçoivent, et enfin dans les effets qu'il produit. On y rattache la circoncision, qui en a été la figure, et l'on explique les cérémonies du baptême. La confirmation ne comprendra qu'une seule question. Question 66. De la nature du baptême. Le sacrement du baptême consiste dans l'ablution accomplie avec la forme prescrite, époque de son institution, sa matière propre, sa forme. Peut-on le réitérer? Son rite, convient-il de distinguer trois baptêmes, que le baptême de sang est supérieur aux autres. 1. Le baptême consiste-t-il dans l'ablution? Il y a dans le baptême trois points à considérer, le sacrement seul ou le signe extérieur, le caractère, qui est à la fois chose et sacrement, la justification, qui est simplement la chose ou l'effet intérieur du sacrement. Pour ne parler que du sacrement ou signe visible, qui donne le caractère et représente l'effet intérieur, le baptême consiste dans l'application de l'eau à l'homme, c'est-à-dire dans l'ablution du corps faite avec la forme prescrite. Note. Le signe n'est que sacrement, il est transitoire. Le caractère est à la fois chose et sacrement, parce que, signifié par l'ablution extérieure, il est à son tour le signe de la justification intérieure. Il est permanent et indélébile. La justification est uniquement chose, elle est permanente, mais admissible. Nous sommes obligés, pour ce qui suivra, de maintenir tous ces termes techniques. Le sacrement est l'objet extérieurement visible, la chose du sacrement en est l'effet intérieur. Fin de la note. 2. Le baptême fut-il institué après la passion du Christ? Saint Augustin dit, depuis le moment où le Christ a été plongé dans les eaux du Jourdain, l'eau a la vertu de purifier tous les hommes de leurs péchés. Ce fut en effet, au baptême du Christ, que le nôtre reçut la vertu de produire la grâce, il y fut institué comme sacrement, mais la nécessité d'y recourir ne fut imposée aux hommes qu'après la passion et la résurrection du Sauveur, dont il nous donne la ressemblance, en nous faisant mourir au péché, pour nous initier à la vie de la justice. Note. L'obligation de recevoir le baptême commença, pour les Juifs et pour les gentils, le jour où le Christ dit à ses disciples, « Allez, instruisez toutes les nations, etc. » Cette autre parole, qu'avant sa passion il adressait à Nicodème, « Quiconque ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu », concernait l'avenir plutôt que le présent. Fin de la note. 3. L'eau est-elle la matière du baptême? Par ces paroles, quiconque ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il est évident que l'eau est la matière propre du baptême. Nulle autre matière ne convenait mieux que l'eau, par sa propriété de laver, elle est fort apte à signifier et à produire l'ablution des péchés. Par sa fraîcheur, elle marque très bien l'effet du baptême, qui est de tempérer l'ardeur de la concupiscence. Par sa transparence, elle représente la vraie foi que l'on reçoit au baptême. Par son abondance, elle convenait à un sacrement nécessaire au salut. Note. La bénédiction descendue du baptême du Christ s'est communiquée, comme par un fleuve spirituel, à toutes les eaux naturelles, à raison de la communauté d'espèces. Fin de la note. 4. L'eau pure est-elle exigée pour le baptême? Quoique l'eau pure et simple soit la matière propre du baptême, on peut néanmoins baptiser avec toutes sortes d'eau, quel que soit le changement que la nature ou l'art lui ait fait subir, pourvu que l'espèce ne soit pas détruite. Si, par suite du mélange ou de l'altération, l'eau s'est changée en un composé d'une autre espèce, le baptême ne saurait avoir lieu. On ne peut pas, par exemple, se servir de boue, qui est de la terre plutôt que de l'eau, et il en est de même du vin trempé. Note. On pourrait faire usage de l'eau extraite de la boue ou du vin trempé, pourvu que ce fût spécifiquement de l'eau véritable. Celle qui a servi à cuire des viandes ou autre chose semblable, les eaux sulfureuses, l'eau de lessive, qui n'ont fait que subir une certaine altération en traversant d'autres corps, à plus forte raison, l'eau de pluie et l'eau de mer, peuvent servir de matière au baptême. Il n'en est pas ainsi de l'eau de rosée des eaux chimiques. Fin de la note. 5. La forme du baptême est-elle celle-ci? Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit? Oui, car notre Seigneur a dit à ses disciples, « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Cette formule a le double avantage d'énoncer la cause principale du baptême, la Sainte Trinité, et la cause instrumentale, le ministre lui-même. Je te baptise, voilà le ministre. Voici la cause principale, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Note. Bien que les Grecs disent, un tel, serviteur du Christ, est baptisé au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le sacrement est valide. Dans tous les cas, il faut que les paroles expriment ce que l'on veut faire, c'est-à-dire l'action de baptiser. Alexandre III a décidé que, si quelqu'un plonge un enfant trois fois dans l'eau en disant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, sans ajouter, je te baptise, l'enfant n'est pas baptisé. Plusieurs ministres, l'un prononçant les paroles, l'autre versant l'eau, ne peuvent pas baptiser ensemble, mais un seul peut baptiser en même temps plusieurs sujets, pourvu qu'ils disent « Je vous baptise ». Fin de la note. 6. Peut-on donner le baptême au nom de Jésus-Christ? Le pape Pélage écrivait à l'évêque Gaudens, « S'il y a dans votre voisinage des personnes qui n'aient été baptisées qu'au nom de Jésus-Christ, vous les baptiserez sans crainte au nom de la Sainte Trinité, lorsqu'elles viendront à la foi catholique. » Les sacrements tirent leur efficacité de l'institution de Jésus-Christ. Or, en instituant le baptême, notre Seigneur a ordonné de le conférer au nom de la Sainte Trinité. Faire une suppression qui rende incomplète l'invocation de la Trinité, c'est le priver de son intégrité. De plus, dans tout sacrement, la forme doit être sensible, comme la matière. Il ne suffit pas de connaître la Trinité ni d'avoir la foi à ce mystère, il est nécessaire, pour la validité du baptême, que les noms des trois personnes divines y soient exprimés par des paroles. C'est pour cela même qu'à celui du Christ, source de la sainteté d'une autre, la Trinité se manifesta par des signes sensibles, le Père, par la voix, le Fils, dans sa nature humaine, et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe. Note. Si l'on nous objecte que, dans la primitive Église, les apôtres baptisaient au nom du Christ, comme le marque ce texte des Actes 8, 12, les hommes et les femmes étaient baptisés au nom du Christ, Nous répondrons qu'il le faisait en vertu d'une révélation spéciale, afin que ce nom, qui était dit aux Juifs et aux gentils, fut respecté, par là même qu'en l'invoquant on recevait le Saint-Esprit. Toute la Trinité, selon la remarque de saint Ambroise, était implicitement comprise dans le nom du Christ. Voilà certainement la réponse qu'il faudrait donner, si le fait était prouvé. Mais, avec Estius, Suarez, Vasquez et beaucoup d'autres, on peut croire que les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Christ. Le texte des Actes ne pourrait-il point signifier ceci? Les apôtres, agissant au nom de Jésus-Christ, baptisaient, avec la formule prescrite, les hommes et les femmes. Fin de la note. 7. L'immersion est-elle nécessaire pour la validité du baptême? L'eau, dans le baptême, est employée à l'ablution du corps, afin de signifier que l'âme est purifiée du péché. Or l'ablution avec l'eau peut se faire, et par immersion, et par aspersion, et par infusion. Ces deux derniers modes sont légitimes, saint Laurent les a employés. Il est permis d'y recourir, surtout dans le cas de nécessité, ou bien quand il se présente une grande multitude, comme lorsque saint Pierre baptisa 3000 personnes, et, un autre jour, 5000. La rareté de l'eau, la faiblesse du ministre, l'infirmité du sujet empêche parfois l'immersion, preuve qu'elle n'est pas nécessaire à la validité du baptême. Note. La sépulture du Christ est sans doute mieux représentée par l'immersion, mais elle l'est aussi de quelque façon par les autres modes. Observons, en passant, que, dans le baptême par infusion, on doit s'appliquer à mouiller la tête, où se révèle le principe de la vie animale et des opérations de l'âme. Fin de la note. 8. La triple immersion est-elle nécessaire à la validité du baptême? Saint Grégoire, pape, écrivait à l'évêque Léandre, on ne mérite aucun blâme, si l'on plonge trois fois ou une seule fois dans l'eau l'enfant que l'on baptise, les trois immersions rappellent la trinité des personnes divines, et une seule unité de l'essence divine. Autant l'on baptisait par immersion, l'Église varia sa discipline à cet égard. Pour désapprouver les hérétiques qui niaient la trinité, elle prescrivit la triple immersion. Dans la suite, contre les donastiques, qui réitéraient le baptême, elle ordonna qu'on n'en ferait plus qu'une seule. Cette raison n'existant plus, elle reprit l'usage des trois immersions. On doit, à toutes les époques, observer le rite adopté par l'Église. 9. Peut-on réitérer le baptême? Premièrement, le baptême est une sorte de régénération spirituelle par laquelle, en mourant à la vie ancienne, on entre dans une vie nouvelle. Or chaque homme ne naît qu'une fois. La naissance spirituelle est semblable à la naissance charnelle dont parlait Nicodème, quand il disait « Est-ce que l'homme peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître ensuite ?» On ne peut pas plus recevoir un second baptême que rentrer dans le sein de sa mère. Deuxièmement, nous sommes baptisés dans le Christ, qui, n'étant mort qu'une fois, n'a consacré qu'un seul baptême. Troisièmement, le baptême imprime un caractère indélébile par une sorte de consécration, or, en principe, les consécrations ne se réitèrent pas. Le caractère militaire, disait saint Augustin, ne se renouvelle pas, celui du baptême a-t-il moins de durée? Les apostats eux-mêmes n'en sont point dépouillés, on ne les rebaptise pas, quand ils reviennent de leur erreur. Quatrièmement, ce sacrement est principalement destiné à effacer le péché originel, qui ne se renouvelle pas. Pour ces quatre motifs, il n'est pas permis de réitérer le baptême. Note. Les péchés subséquents n'anéantissent pas le baptême, ils élèvent seulement contre son effet un obstacle qui disparaît par la pénitence. À l'égard des personnes dont le baptême est douteux, le pape Alexandre III a rendu le décret suivant, on doit les baptiser en prononçant d'abord ces paroles, si tu es baptisé, je ne te baptise pas, mais si tu n'es pas encore baptisé, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. De même que l'on ne naît qu'une fois et que l'on prend souvent de la nourriture, on reçoit une seule fois le baptême, et souvent l'Eucharistie. Fin de la note. 10. Le rite adopté dans l'Église pour le baptême convient-il ? L'Église, dirigée par le Saint-Esprit, n'adopte aucun rite inconvenant. Il y a, dans l'administration du baptême, des cérémonies nécessaires à sa validité, et d'autres dont le but est de lui donner une solennité convenable. Pour sa validité, trois choses sont essentielles, la forme, qui désigne la cause principale, le ministre, qui en est la cause instrumentale, et l'ablution faite avec l'eau, qui est le signe de l'effet principal. Les autres cérémonies ont été instituées pour la solennité de ce sacrement. Elles excitent la dévotion des fidèles, elles inspirent le respect, et, au moyen de tableaux et de représentations symboliques, elles instruisent les intelligences peu développées. À quoi il faut ajouter que les prières, les exorcismes et les autres actions sacrées empêchent le démon, en réprimant sa puissance, de mettre obstacle à l'effet du sacrement. Note. L'eau entre comme matière dans la substance du sacrement de baptême. L'huile sainte et le saint crème font partie de sa solennité. On fait deux onctions avec l'huile sainte sur le catéchumène, l'une sur sa poitrine, afin qu'il reçoive dans un cœur pur la vraie foi qui agit par la charité, l'autre entre ses épaules. Pour marquer qu'avec la grâce du Saint-Esprit il doit s'exercer aux bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Après le baptême, le ministre fait une croix avec le Saint-Crème sur la tête du néophyte et prononce une prière, afin qu'il ait part au royaume de Jésus-Christ, qu'il porte noblement le nom de chrétien, et qu'il soit prêt à rendre raison de sa foi à quiconque l'interrogera. Le vêtement blanc dont on le revêt est à la fois le signe de la glorieuse résurrection à laquelle la régénération baptismale sert de préparation, et de la vie pure qu'il doit mener, conformément à cette parole, marchons dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Il n'y a rien de superflu dans les cérémonies du baptême. Ce qui n'est pas nécessaire à sa validité concourt à sa solennité. Fin de la note. 11. Convient-il de distinguer trois baptêmes ? Il y a trois baptêmes, le baptême de l'eau, le baptême de sang, et le baptême de feu ou du Saint-Esprit. L'apôtre semble nous les indiquer dans cette expression, l'instruction des baptêmes. Hébreux 6, 2. Le baptême d'eau tire son efficacité de la passion de Jésus-Christ, et, ultérieurement, du Saint-Esprit, sa cause première. La cause première ne dépendant pas de ses œuvres, on peut, sans le recevoir, en tenir l'effet de la passion même du Sauveur, en souffrant le martyre pour Jésus-Christ. Ce sera alors le baptême de sang, que supposent ces paroles de l'Apocalypse. 7, 14, voici ceux qui sont venus ici par de grandes tribulations, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pour la même raison, on peut tenir la grâce du baptême d'eau de la vertu même du Saint-Esprit, qui incline le cœur de l'homme à la foi, à l'amour de Dieu et au repentir. C'est ce que l'on appelle le baptême de pénitence ou baptême de feu, dont Isaïe disait 4:4, le Seigneur purifiera les filles de Sion par l'esprit du jugement et par l'esprit de feu. Ces deux baptêmes sont ainsi nommés, parce qu'ils supplaient le baptême d'eau. Il importe d'entendre saint Augustin développer cette doctrine, voulant montrer, dit-il, que la souffrance tient parfois lieu du baptême. Saint Cyprien en apporte pour preuve cette parole adressée au bon larron, qui n'était pas baptisé. Aujourd'hui vous serez avec moi dans le paradis. Le baptême d'eau peut, en effet, si les circonstances ne permettent pas de le recevoir, être suppléé non seulement par les souffrances endurées au nom de Jésus-Christ, mais par la foi et la conversion du cœur. Note. Quelqu'un dira, il n'y a qu'un baptême comme il n'y a qu'une foi, l'apôtre l'a déclaré. Or ce baptême, c'est le baptême d'eau, nous le savons, mais, comme les deux autres sont contenus implicitement dans le baptême d'eau, qui tire son efficacité de la passion de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ils ne détruisent pas l'unité du baptême, ils ne sont pas même, à proprement parler, des sacrements, ils en produisent seulement l'effet intérieur. Fin de la note. 12. Le baptême de sang est-il supérieur aux autres baptêmes? La passion du Christ, qui agit, dans le baptême d'eau, par une sorte de représentation figurative, et, dans le baptême de pénitence ou de feu, par de saintes affections, produit, dans le baptême de sang, une imitation réelle. Pareillement, le Saint-Esprit, qui n'exerce qu'une certaine vertu latente dans le baptême d'eau, et qui remue seulement le cœur dans le baptême de pénitence, élève, dans le baptême de sang, la ferveur de la charité à son plus haut degré. Comme le marque cette parole, personne ne témoigne plus d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jean 15:13. Il suit de cette double raison que le baptême de sang est supérieur aux autres baptêmes. Note. Nous ne prétendons pas que le baptême de sang soit un plus grand sacrement que le baptême d'eau. Nous l'avons dit, il n'est pas même un sacrement. La prééminence que nous lui attribuons concerne seulement l'effet du sacrement de baptême, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, il ne donne pas le caractère, qui est à la fois chose et sacrement. Sa supériorité lui vient de la vertu de la passion et de l'opération du Saint-Esprit. Baptême de pénitence. Baptême de désir, baptême de feu, baptême de charité, toutes ces expressions sont synonymes. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.